Section 71 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 16, quatrième partie. Les ossements lisses en Europe, par Alfred de Rambaud. Mourad Ier. Andrinople, la Maritza, la Bulgarie, Kosovo. Urkan eut pour successeur son second fils, né de la belle grecque Niloufer. Mourad, à Murat, avait déjà 41 ans. Il était brave, avec une voix qui s'entendait au loin dans la bataille, naturellement éloquent, plus sévère que son père sur la discipline, mais juste pour ses sujets, généreux pour les soldats. Il fut un grand bâtisseur de mosquées, d'hospices, d'écoles. Ceci est d'autant plus remarquable qu'il ne savait ni lire ni écrire. Quand il avait un acte à signer, il trempait 4 doigts dans l'encrier et les appliquait, bien écartés, sur le papier. C'est ce qu'on appelle le tout gras, et les calligraphes des sultans en ont fait le motif du sceau impérial. Il eut la passion de la guerre sainte et fut un vrai chevalier de l'islam. Il avait hérité de son père une merveilleuse collection de généraux habiles et braves. Evrenos Beg, Hadj Ilbeki, ancien vizir du prince de Karazi, Gazi Fazil, Lala Chanin, Karakalil Tcherendeni, Inje Balaban Timourstache, les fils de Mikaezé, les Mikal Ogli. Il était le plus brave et le plus habile de tous, et le plus pieux. D'abord, l'élan qui le portait vers l'Europe fut retenu par une prise d'armes des émirs seldjoukides. Son père avait déjà eu à batailler contre celui de Karazi, et lui avait enlevé la Misi avec Pergame. Cette fois, ce fut le prince de Karamani, Ala el-Din, le plus puissant des 8 autres émirs, qui manifesta sa jalousie contre la puissance croissante des ossements lisses. Il suscita contre Mourad des vassaux de celui-ci, les Haki, ou grands propriétaires de la Galatie, qui possédaient la ville d'Angora, Ansir. Mourad les bâtit, mit garnison dans Angora. Le prince de Karamani n'osa remuer. Mourad força le prince de Hamid à lui céder ses états, réduisant à 7 le nombre des émirats. Il entama celui des Kermiennes, en faisant épouser à son fils Bayezid la fille de l'émir. Elle lui apporta en dot Kutayeh et une partie de la Phrygie. Dans la suite, les princes seldjoukides, d'une origine analogue à celle des princes ossements lisses, et commandant à des nations aussi braves que les Ottomans, donnèrent à ceux-ci autant de soucis que les plus puissants États européens. Ils ne disparurent qu'au temps où disparurent l'Empire grec et les États danubiens. La conquête de la péninsule anatolique et celle de la péninsule balkanique s'achevèrent presque en même temps. Les généraux de Mourad avaient déjà commencé en Europe la guerre contre l'Empire. À l'arrivée du sultan, le siège fut mis devant Andrinople, et cette ville, la seconde de l'Europe hellénique, fut conquise, 1360. Elle devint la capitale provisoire des Ottomans, puis on prit Vadar, sur le fleuve du même nom, Eskizagra, Yenizagra, Philippopolis. On fit tant de captifs que le prix moyen d'un esclave était tombé à 25 aspres. La conquête presque totale de la Thrace mettait les ossements lisses en contact direct avec les 2 puissantes nations slaves de la péninsule, les Bulgares et les Serbes. D'autre part, le pape Urbain V prêchait la croisade contre les musulmans. Sa voix fut entendue à la fois par les princes de l'Occident et par les princes du Sud-Est, éclairés maintenant sur le danger qu'ils couraient. Une ligue se forma entre Louis d'Anjou, roi de Hongrie, Vukašin et Uglješa, prince de la Serbie méridionale, Twertko de Bosnie, Sichman, tsar de Bulgarie, Mircea, voïvode de Valachie. Les chrétiens avaient réuni, paraît-il, 60 000 hommes. L'Alachaïn, qui les rencontra près de Tchirmen, sur la Maritza, était inférieur en nombre. Cependant, il chargea Hadj Ilbelki, le lion du combat, le soutien de la vraie foi, de faire une reconnaissance avec 4 000 cavaliers. Celui-ci, à la faveur de la nuit, surprit le corps des alliés et se jeta au milieu d'eux au son des tambours et des fifres, au cri d'Allah Akbar. Il y eut là un grand carnage, 1371. Voukachin et Ugliesha, en fuyant, se noyèrent dans la Maritza. Le roi de Hongrie ne dut son salut, pensa-t-il, qu'à une image de la Vierge qu'il avait sur la poitrine. Pour remercier la Mère de Dieu, il lui consacra l'église de Mariazell, tandis que Mourad, en mémoire de ses succès, élevait des mosquées à Bilidjik et à Brousse. Le lieu où Hadj Ilbeki avait dispersé la grande armée chrétienne fut appelé par les Turcs Sirf Sindougi, défaite des Serbes. Cette victoire leur livrait le reste de la Thrace, la Bulgarie, une partie de la Serbie. Marko Kraljevic, fils de roi, fils de Vukašin, le légendaire héros de la Serbie, fit sa soumission. La République de Raguse adressa aux vainqueurs des envoyés qui signèrent un traité d'amitié et de commerce et s'engagèrent à payer un tribut annuel de 500 ducats d'or. Ce fut le premier traité entre un État chrétien et les Turcs, 1365. En 1371, Mourad se fit livrer par un petit prince bulgare, Constantin, la riche ville de Kyustendil, Justendil, du nom de Justinien. Aux Byzantins, il prit Chatalburgas, Ingigiz, Apollonia, 1372. À des principicules bulgares, il enleva les villes de Despotodag, Rhodop, et même Serres, 1373. Les Serbes perdirent Niche, 1375. Alors, Lazar de Serbie demanda la paix, moyennant un contingent annuel de 1 000 cavaliers et un tribut de 1 000 livres d'argent, 1376. Sichman de Bulgarie dut aussi payer tribut et donner sa fille au vainqueur. En 1382, comme les paiements étaient en retard, Inje Balaban enlevait Sofia, la seconde ville de Bulgarie, et Timurtash, pénétrant au cœur de la Macédoine bulgare ou serbe, conquérait Monastir, Prilep, Istip, Striadi, Triaditza. Depuis la paix imposée aux Byzantins en 1373, Mourad n'avait pas attaqué leurs possessions. Nous avons vu comment Jean V devint le vassal du sultan et comment la folle et généreuse tentative de Manuel sur Fère lui fut pardonnée par Mourad. Plus graves furent les affaires suscitées par l'autre fils de Jean V, Andronique. Celui-ci avait fait un complot avec Saoudji, fils de Mourad. Ces deux jeunes gens devaient s'entraider à se débarrasser de leur père. Mourad fit crever les yeux à son fils. Plus tard, on lui trancha la tête. Il fit exécuter les jeunes nobles musulmans, ses complices, par leur propre père. Il exigea que l'empereur grec sévît de même contre son fils coupable. Jean V ordonna d'aveugler non seulement son fils, mais son petit-fils, 1375. L'opération se fit mal. Andronique continuait à voir assez clair pour continuer ses intrigues. Avec la protection du sultan, il sortit de prison et renversa son père et son frère, qui furent enfermés à sa place, 1376. Puis, le sultan s'étant ravisé, il dut les remettre sur le trône, quitter la ville. Mourad lui fit donner en apanage le reste de l'empire en Europe, Salembria, Héraclée, Rodosto, Thessalonique, 1379. Les États serbes étaient loin d'être soumis. Lazar, élu tsar de Serbie en 1375, et Sichman, tsar de Bulgarie, avaient renoué leur alliance, appelé à leur aide les Bosniaques, Herzégovignens, Albanais, Valaques, et mis sur pied une armée de 200 000 hommes. Ils avaient eu un premier succès à Toplitza, en Bosnie, où, de 20 000 Ottomans, 5 000 seulement purent échapper. pour prévenir la jonction des Serbes et des Bulgares, le vizir Ali Pacha s'était jeté sur ces derniers, avait enlevé Tirnovo, puis Shumla. Il assiégeait Nicopolis quand arriva le sultan. Sichman se hâta d'implorer son terrible gendre. Il obtint la paix, moyennant le paiement des tributs en retard et l'abandon de la Silistrie. On vit bientôt qu'il n'était pas sincère. La guerre recommença. Ali Pacha remit le siège devant Nicopolis. Sichman dut se rendre à discrétion et, avec sa femme et ses fils, revêtu d'un linceul, se jeta aux genoux du vizir. Il fut envoyé au camp de Mourad, qui fit grâce encore une fois. La Serbie fut difficile à soumettre. La bataille de Kosovo, champ des Merles, 1389, se lie si intimement à l'histoire, à la légende, à la littérature du peuple serbe, qu'on a dû lui donner plus loin une place à part. C'est là que le héros de la Serbie et le héros Osmanli succombèrent tous deux, subissant chacun de son côté le martyr par le fer. La veille de la bataille, Mourad avait demandé à Dieu la grâce de mourir pour la vraie foi. Bayezid Ier, première conquête de la péninsule balkanique. Bayezid, Bazaget, succédait à son père sur le champ de mort de Kosovo. Son premier soin, en présence du cadavre de son père, avait été d'ordonner l'exécution de son frère unique Yacoub. C'est lui qui érigea en loi de l'État le fratricide et fit consacrer cette pratique par la fetva des théologiens. Ceux-ci invoquèrent ce verset du Coran: la révolte est pire que les exécutions. Bayezid était aussi brave et actif que son père. La rapidité de ses marches le fit surnommer Ilderim, l'éclair. Il était lettré, ce que son père n'était point. Mais il était cruel, orgueilleux jusqu'à la démence, adonné à tous les vices, même les plus honteux. Ses excès de table le rendirent plus tard impotent. Podagra et Chiragra dit Calcocondylas. Lui, Bayezid l'éclair. C'est à lui que remonte l'institution des pages, Itchoglans, dont nous avons fait Icolglans, pépinière de hauts dignitaires et de généraux. Bayezid eut d'abord à tirer les conséquences de la victoire de Kosovo. Stéphane et Vuk Lazarevitch, les fils de ce tsar qui avait été exécuté sur le corps de Mourad, reçurent l'investiture de la Serbie comme prince tributaire. Il fit entrer dans son harem leur sœur Olivera. Bayezid, ayant ainsi subjugué toute la partie nord de la péninsule, s'occupa de Constantinople. Il fit la vie dure à Jean V et Emmanuel II. Il exigea que celui-ci, empereur associé, l'accompagna dans toutes ses campagnes, plutôt en qualité d'otage que de chef de contingent, puisqu'il n'amenait que 100 hommes. Comme ces princes avaient promis à son père Philadelphie, la dernière ville grecque d'Asie mineure, et que les habitants refusaient d'ouvrir leurs portes aux barbares, ils convoquent, pour en faire le siège, ses vassaux, Stéphane de Serbie, Manuel de Byzance. Il faut que celui-ci monte à l'assaut de sa propre ville, 1391. Bayezid oblige ensuite Manuel à assister, avec son contingent, aux travaux pour la réfection de Gallipoli, aux préparatifs de son expédition dévastatrice contre Chios, Leubé, l'Attique. Le vieil empereur Jean V, tremblant pour sa propre ville, essaye d'en réparer quelques brèches. Bayezid lui signifie d'avoir à arrêter les travaux. Autrement, Manuel, qui est au camp des Turcs, aura les yeux crevés. Quand Jean V meurt, 1391, Manuel trouve le moyen de s'échapper et de venir prendre possession de sa capitale. Bayezid, furieux, lui signifie d'avoir à payer le tribut. D'autres corps de l'armée turque envahissent la Bulgarie, la Bosnie, menacent la Valachie, dont le prince Mircea s'empresse de se reconnaître tributaire, font la première invasion en Hongrie. Elle n'est point heureuse. Les Turcs sont battus à Nagyolotz, 1391. L'année suivante, le roi Sigismond de Hongrie transporte la guerre sur le territoire ottoman, bat les Turcs et les Valaques, prend la petite nécropolis sur le Danube. Il est obligé de rétrograder devant des forces supérieures et, dans la déroute, manque d'être sabré par un spahi. Pendant que le roi de Hongrie contacte des alliances pour une nouvelle guerre, Bayezid achève la conquête de la Bulgarie. Tirnovo, après un siège de 3 mois, est enlevé d'assaut, ses églises saccagées, les reliques dispersées, le pain eucharistique jeté aux chiens, les cadavres des fidèles abandonnés sans sépulture. Le patriarche Euthymie est transporté en Asie avec une multitude d'habitants. Comme les autres se lamentaient, elle lui disait « À qui nous laisses-tu ? » Il répondit « À la Sainte Trinité, maintenant et pour l'éternité. » Quant à Sichman, on ne sait au juste comment il finit. Le tsar mort, le patriarche prisonnier, l'élite de la population déportée, les places enlevées l'une après l'autre, il n'y avait plus de Bulgarie. Quand Bayezid revint d'une campagne en Asie mineure, où il venait de battre et dépouiller les émirs seldjoukides, le roi Sigismond lui envoya demander de quel droit il avait détruit la Bulgarie. Bayezid se contenta de montrer les arcs et les flèches qui décoraient la salle de réception, 1394. En même temps, devinant qu'un orage se formait contre lui au nord du Danube, ne voulant pas laisser Constantinople derrière soi, il pressa ses préparatifs pour transformer le blocus de cette ville en un siège dans les règles. Il n'eut pas le temps de l'entreprendre. La croisade, bataille de Nicopolis. Le cri de détresse de la Hongrie fut cette fois entendu en Occident. Une ambassade hongroise, présidée par Nicolas de Canisa, archevêque de Grand, fut bien accueillie du roi Charles VI. Le comte II, connétable de France, le maréchal de Boucicaut, le comte de la Marche, Enguerrand de Coucy, Henri de Bar, prirent les armes. Jean sans peur, fils du duc de Bourgogne, fut proclamé chef de la croisade. Son père lui donna pour conseil Philippe de Bar, l'amiral Jean de Vienne, Guy et Guillaume de la Trémoille. Ils emmenaient des chevaliers et des soudoyers. Au total, une 10 000 hommes, cavaliers ou piétons. En Allemagne, s'armèrent le comte palatin Robert, Hermann II, comte de Silly, Jean III, burgrave de Nuremberg, un comte de Katzenelbogen, un certain nombre de chevaliers teutoniques. Il y eut des croisés flamands, luxembourgeois, suisses, anglais. Venise sourdit des subsides et des galères. Les chevaliers de Rhodes envoyèrent leur flotte avec le grand maître, Philibert de Nayac. Il vint des contingents de Pologne, de Valachie, avec Mircea. L'Occident tout entier, oubliant un moment ses dissensions, faisait un suprême effort pour sauver la Hongrie de l'invasion et Constantinople de la ruine. Enhardi, l'empereur grec, Manuel, avait promis une diversion. Le rendez-vous général était à Bude, juillet 1396. Sigismond y concentrait l'armée hongroise et valaque. L'avis de ce prince était que l'on attendit Bayezid en Hongrie, la guerre défensive lui paraissant préférable avec une armée composée de tant de nations. Les chevaliers d'Occident firent savoir par Coucy qu'ils étaient venus pour se battre, non pour se morfondre dans un camp. Alors on descendit le Danube jusqu'à Orsova. On franchit le fleuve en aval des portes de fer. On prit Vidin, mal défendu par le prince bulgare Srasimir. On arriva devant Rakova. Les Français donnèrent l'assaut sans attendre l'arrivée des Hongrois et se firent tuer inutilement sur les échelles. Puis, dès que parut le roi de Hongrie, les habitants chrétiens forcèrent la garnison à capituler. Le 12 septembre, on arriva devant Nicopolis. La place était bien fortifiée, bien garnisonnée et défendue par un vétéran des guerres ottomanes, Dogan Beg. On manquait de matériel de siège. Des échelles sont vite faites, dit alors Boucicaut. Les Français essayèrent donc d'écheler Nicopolis et échouèrent. Le siège fut transformé en blocus. Les Français cernaient la place du côté de la terre, rive droite du Danube. Les galères sur le Danube fermaient le cercle. Les Hongrois, Allemands, Valaques, etc. s'étaient établis dans un grand camp sur le Danube, en aval de Nicopolis. les croisés français se gardaient mal, faisaient la fête à la Bourguignonne. On disait que Bazeyid, qu'on croyait en Asie, n'oserait pas repasser le Bosphore. Or, il investissait alors Constantinople. Il se hâta de brûler ses machines de siège et marcha sur Nicopolis. Les croisés ne voulaient pas croire à son approche. Les premiers qui l'annoncèrent dans leur camp furent traités en espions des Turcs. À plusieurs, on coupa les oreilles. Puis, quand on fut mieux informé, on égorgea un millier de prisonniers qu'on avait faits dans Rakova. C'était le soir du 24 septembre 1396. Dans un conseil de guerre qui fut tenu entre les chefs, Sigismond proposa de mettre à l'avant-garde Mircea et ses valaques. Il avait pour cela ses raisons. C'étaient des gens peu sûrs. En seconde ligne, on placerait les Hongrois, troupes légères, très propres à la guerre asiatique. Dans la bataille, c'est-à-dire dans le gros de l'armée, au point de résistance, seraient les Français. En arrière, le reste des Hongrois, les Allemands, Bosniaques, etc. Le plan de Sigismond était fort bien conçu. Les Français ne voulurent entendre à rien. Le connétable déclara que ne pas le mettre au premier rang, c'était lui faire une mortelle injure. Les chevaliers refusèrent de céder la place d'honneur. Vainement, Coucy, Boussicault, Jean de Vienne appuyèrent l'avis du roi. L'armée des croisés s'élevait à environ 100 000 hommes. Mais elle était formée de 8 ou 10 nations. Celle de Bayezid comptait 110 000 hommes et, à part le contingent serbe, elle ne se composait que de guerriers musulmans, pour la plupart bien disciplinés, et tous enflammés d'ardeur religieuse. À l'aube du 25 septembre, les Français, devançant le réveil de l'armée, sortirent du camp et se mirent en ligne de bataille. Une dernière fois, toujours inutilement, Sigismond vint les adjurer de revenir à son plan. À peine a-t-il tourné les talons, que le connétable donne le signal de la charge. Au cri de « Vive Saint-Denis ! Vive Saint-Georges !» les hommes de fer s'ébranlent. Derrière eux, Sigismond se hâte de mettre en ligne son armée. L'aile droite était formée par les Transylvains, avec Stéphane Laksovitch. Le centre de la cavalerie hongroise, sous le palatin Nicolas de Gara. Des mercenaires tchèques, sous Hermann de Silly. Des Allemands, sous le burgrave de Nuremberg. L'aile gauche de Mircea et de ses valaques. L'armée turque était distribuée sur 3 lignes. Dans la première, des irréguliers, Akinji et Azab, et un corps de janissaires. Dans la seconde, une masse d'infanterie asiatique, flanquée sur les deux ailes par des spahis. À l'arrière, l'élite de l'infanterie et de la cavalerie, 40 000 hommes, avec les janissaires et spahis de la porte. Enfin, à droite, un peu éloigné du reste de l'armée, les 5 000 Serbes de Stéphane Lazarevitch. La charge furieuse des Français balaie d'abord les irréguliers. Puis elle se heurte aux janissaires de la première ligne, abrités derrière une rangée de pieux inclinés qui opposent leurs pointes au poitrail des chevaux. La ligne de pieux est franchie, les janissaires sabrés, des milliers de Turcs jonchent déjà la plaine. Les Français sont entrés comme un coin dans l'armée ottomane, mais les deux ailes menacent de se refermer sur eux. Leurs chefs sentent qu'on est perdu si on ne redouble pas d'audace. On se jette sur la seconde ligne de Bayezid, on l'enfonce, on couche par terre 5 000 Turcs. Après cette charge furieuse, les rangs des Français étaient rompus, les hommes et les chevaux épuisés. Il fallut se replier sur les Hongrois et se reformer pour un nouvel effort. Les plus sages des chefs le conseillent au connétable. Pour toute réponse, il fait sonner la charge sur la 3e ligne des Turcs. Impossible de l'entamer. De gauche et de droite se rabattent sur les flancs des croisés d'autres corps ottomans. Dans ce danger suprême, est-on du moins soutenu par les alliés auxquels on a frayé un si large chemin? Non, c'est le moment que choisirent Mircea et ses valaques, à l'aile gauche, Stéphane Laksovitch et ses Transylvains, à l'aile droite, pour faire défection. Le gros de l'armée hongroise, les Bosniaques, les Bulgares, sont pris de panique et se débandent. Le roi Sigismond, le ban Nicolas de Marotte, le palatin Nicolas de Gara, l'archevêque de Gran avec la chevalerie hongroise, Hermann de Silly avec ses mercenaires, tchèques et allemands. Enfin, les croisés allemands et polonais tiennent bon, se portent en avant, cherchent à dégager les Français. Mais Nicolas de Gara est chargé par les Serbes, qui jusqu'alors se sont ménagés, épiant la fortune. Dès lors, la déroute des Alliés est complète. Les Français, livrés à eux-mêmes, se défendent comme sangliers écumants, comme loups enragés. Ils vendent chèrement leur vie à cette chiennaille. Ralliés par groupes de 8 ou 10, les chevaliers, à grands coups de glaive, font autour d'eux un abattis de morts et de blessés. L'étendard de la Vierge, que défendait Jean de Vienne avec 10 compagnons, est 6 fois abattu, 6 fois relevé, jusqu'à ce que tombe enfin l'amiral, serrant dans ses bras la bannière en loques. Sur un autre point du champ de bataille, le roi Sigismond luttait vigoureusement. Sa bannière, que portait le fils de Nicolas de Gara, fut enfin abattue avec son défenseur. Et l'on dut fuir jusqu'au Danube, où les navires de Rhodes et de Venise recueillirent les débris de l'armée. Bayezid était vainqueur. Toutes les tentes, quelques-unes magnifiques, tout le matériel de guerre était tombé entre ses mains. Mais la victoire lui coûtait cher. 30 ou 40 000 des siens étaient restés sur la plaine, qui s'étend au sud-ouest de Nicopolis. Là surtout, où les Français avaient combattu, pour un chrétien de ceux qui gisaient dans les camps de mort, il y avait 30 Turcs, ou plus, ou autres hommes de Saloy. Furieux, il ordonna le massacre des prisonniers. Toute la journée du 26 ne fut qu'une immense tuerie. 3 000 hommes auraient été passés par les armes. D'abord, on n'épargna que ceux dont on espérait tirer une forte rançon. Jean sans peur, le connétable II, le maréchal de Boussicault, le comte de la Marche, le sire de Coucy, Henri de Bar, Guy de la Trémoille, et quelques prisonniers âgés de moins de 20 ans, comme Schlitzberger, le futur historien de la campagne. Bayezid, à la fin, dut interrompre le massacre. Les soldats n'entendaient pas perdre tous les captifs, la meilleure partie du butin. Quand la nouvelle du désastre parvint en France, toutes les cloches de Paris sonnèrent le glas funèbre et la foule se pressa aux messes pour les morts. On dut se résigner à envoyer en Turquie une ambassade, chargée de riches présents, pour négocier avec le sultan le rachat des captifs. Il y consentit, au prix de 200 000 florins. Avant de renvoyer ses prisonniers, il voulut leur donner le spectacle d'une chasse aux faucons et aux léopards. On y comptait 7 000 fauconniers et 6 000 valets de chiens. Les chiens portaient des housses de satin, les léopards des colliers de diamants. Il dit à Jean sans peur, « Je ne veux pas exiger de toi le serment de ne plus porter les armes contre moi. Si, de retour chez toi, tu te sens encore d'humeur à me combattre, tu me trouveras toujours prêt à te recevoir sur le champ de bataille, car je suis né pour la guerre et la conquête. » En échange des présents qu'il avait reçus de Charles VI, il lui envoya des armes de fer, un coursier de guerre aux narines fendues, 10 cuirasses de feutre, un tambour et des arcs dont les cordes étaient faites de peau humaine. Il expédia des lettres de victoire aux princes de l'Égypte et de l'Asie. Il y joignit des prisonniers revêtus de leur lourde armure de fer pour donner à comprendre quels hommes il avait vaincus. Conséquence de la bataille de Nicopolis. Cette victoire, dont le sultan était surtout redevable aux 5 000 Serbes de Stefan Lazarevitch, allait peser lourdement sur l'Europe du Sud-Est. Elle amena la soumission panique de la Bosnie, de la Bulgarie, des Roumanies. Les hordes turques inondèrent la Sirmie, la Styrie, enlevèrent Mitrovica, Sirmium sur la Slave, incendièrent Petao, ramenèrent 16 000 captifs. La Hongrie fit alors connaissance avec ces horreurs de l'invasion ottomane qu'elle devait subir pendant près de 3 siècles. Dans Byzance, on trembla. Bayezid reparut sous ses murs, sommant l'empereur de lui livrer la ville. Celui-ci ferma les portes et le siège recommença. Les Turcs étaient encore trop novices dans la polyorcétique et n'étaient point maîtres de la mer. Ils échouèrent, 1397. La Hélade et la Morée payèrent pour Byzance. Bayezid envahit la Thessalie, assujettit les tribus vlaques. l'évêque grec de Phocis, l'appelait contre Trudeluda, la souveraine latine de Salona, veuve de Louis d'Aragon. Vainement, elle vint avec sa fille supplier le sultan, se soumit au tribut. Bayezid détrôna la mère et fit conduire la fille dans son harem. Pendant ce temps, Evrenos et Yacoub, avec 50 000 Turcs, forcèrent la muraille de l'isthme, ravagèrent le territoire vénitien de Modon, prirent d'assaut la cité vénitienne d'Argos, bâtirent le despotès Théodore, puis Pierre de San Superan, chef des Navarrais, et lieutenant du Saint-Siège à Patras. Tous les états de la presqu'île eurent leur tour. Contre Manuel II, Bayezid suscita son neveu, le demi-aveugle Jean VII, fils d'Andronique. Le jeune prince se laissa éblouir par les propositions de l'ennemi de sa maison. À la tête de 10 000 Turcs, il marcha sur Constantinople. Manuel II, que menaçait déjà un parti dans la ville, préféra entrer en accommodement avec son neveu, partager avec lui cette misérable couronne, l'associer à l'Empire. Bayezid ne consentait à ratifier l'accord que si les deux empereurs se soumettaient aux conditions qu'il avait voulu imposer à Manuel II. Paiement d'un tribut, établissement à Constantinople d'un cadi, d'un imam, d'une quatrième mosquée. Manuel II refusa. C'est pendant son voyage d'Europe que son neveu, Jean VII, céda. Manuel sentait que l'Empire était perdu sans un secours efficace et prompt de l'Occident. Il multipliait ses appels désespérés aux princes italiens, au pape, à Venise, aux rois de France et d'Angleterre. Seule la France montra quelque générosité. Charles VI, qui se souvenait de Nicopolis, n'avait d'abord voulu rien promettre. À la fin, il laissa partir Boucicaut, un des vaincus de 1396. Le maréchal emmenait 1 200 hommes, parmi lesquels la fleur de la noblesse et de hardis capitaines comme le Gascon Barbassan. Il force l'entrée des Dardanelles en battant 7 galères turques. À Constantinople, il est reçu comme un libérateur, 1399, nommé grand connétable de l'Empire. Tout de suite, il veut courir sus aux Sarrasins. Il attaque les Turcs sur la côte d'Asie, échoue devant la forte Nicomédie, mais prend Riva Kalessi, dont il massacre les habitants. Là se bornèrent ses exploits. Tout cela ne pouvait servir qu'à exaspérer le sultan contre Manuel II. Il eût fallu d'autres sacrifices de l'Occident latin pour sauver l'Orient grec. Manuel, laissant le pouvoir à son neveu et collègue Jean VII, entreprend alors une tournée en Europe, suppliant, effrayant les princes et les peuples du danger qui les menaçait tous. Il visite Venise, les métropoles de l'Italie, Paris, Londres. Il dut rester en France près de 2 années, argumentant avec les docteurs de la Sorbonne. Pendant ce temps, Bayezid pressait Constantinople. Le secours qui la sauva vint non de l'Occident, divisé, impuissant, indifférent, mais des profondeurs de l'Asie. Fin de la section 71.